La chambre hantée par Gustave Geffroy. Un soldat frappe à la porte d'une petite maison basse et propre. Une femme vint ouvrir. « C'est ici, chez Monsieur Leroy ?»« Oui, entrez. » Il entra, un peu intimidé par le laconisme de l'hôtesse, lui montra son billet de logement et la suivit dans une salle à manger aux meubles d'acajou. « Asseyez-vous. » Il s'assit. La femme étala une serviette sur la table, mit un couvert, apporta une soupe aux choux. « Mettez-vous à table. Vous ne dînez pas avec moi ?»« Mon mari et moi avons dîné, comme d'habitude à 6 heures. Pour l'instant, Monsieur Leroy est sorti. Vous le verrez tout à l'heure. » Affamé, le militaire mangea. Après la soupe, un morceau de veau rôti, accompagné de carottes, puis une salade, du fromage, des fruits. À boire, il eut du vieux vin et une tasse de café. Madame Leroy restait debout comme une servante. Une gêne, dont le dîner ne s'en rendait pas compte, empêcha toute conversation. Monsieur Leroy survint. Son air ne semblait pas plus accueillant que celui de sa femme. « Rien à faire, » dit-il. « Il n'y a plus de place, ni chez Gilles, ni chez Romanet. »« Bon, » pensa le soldat, « ils ont voulu m'envoyer à l'auberge. Je suis mal tombé ici. Je suis de trop. » Pour couper court au malaise évident, l'intrus demanda sa chambre, alléguant son état de fatigue. Monsieur Leroy alluma une bougie et le guida jusqu'à une porte qui était close. « Monsieur, » dit-il gravement en se retournant vers son compagnon, « excusez-moi pour la recommandation que je vais vous faire. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûr. Quand vous saurez pourquoi je vous l'ai faite, dites, monsieur. Eh bien, promettez-moi de ne rien déranger, de ne rien toucher dans la pièce où vous allez passer la nuit. »« Bien volontiers, » répondit le militaire en souriant de la manie méticuleuse de ses hôtes. « Soyez tranquille, vous n'avez à craindre moi ni indiscrétion ni indélicatesse. Oh, ce n'est pas cela que je veux dire, » interrompit vivement monsieur le roi. Et l'introduisit dans la chambre. Après un instant de silence, il reprit. C'est ici qu'il y a 5 ans, notre fille unique est morte. Elle avait 17 ans. Depuis, nulle autre personne que sa mère et moi n'est entrée dans cette chambre. Tout est resté dans l'ordre qu'elle aimait. Donnez-moi une botte de paille, je coucherai dans quelque coin. Non, monsieur, nous avons notre douleur, mais nous ne sommes pas inhumains. Puisque rien ne sera dérangé, nous sommes heureux que vous passiez une bonne nuit sous notre toit. Marie avait 17 ans quand elle est partie pour toujours. C'était une bonne petite fille. Son portrait est là. Cette chambre est la chapelle où nous venons pleurer, ma femme et moi. Il n'y a plus de consolation pour nous que cet endroit où elle a vécu qui est resté intact et qui nous donne l'illusion qu'elle va revenir. Allons. Au revoir, monsieur, et bonne nuit. Ayant remis le chandelier au soldat, le triste père descendit l'escalier d'un pas lourd. Seul dans la chambre, la porte close, le jeune homme eut un serrement de cœur. Il lui sembla être enfermé dans un mausolée avec une morte. Il subit l'impression, rendue funèbre, de la solitude et du silence. Au dehors, tout était maintenant calme, tombé au repos. Il souleva un rideau et par la fenêtre, dans la brume épaisse, il crut voir glisser des fantômes. Il se retourna. À la lumière de la bougie, très haute, éclairant à peine, changée en cierge, la femme lui apparut tendue de papier blanc moiré. Des rideaux de mousseline enveloppaient le lit de fer verni de blanc. Au mur souriait d'un sourire lointain, effacé par la mort et par le temps, un portrait de la jeune fille, avec de longs yeux un peu bridés, un joli nez. Et il lui trouva cet air mystérieux qui est toujours au portrait des êtres disparus. Au-dessus de la cheminée où se consumait le bûche, une glace au cadre blanc, de chaque côté de laquelle étaient fixés des portraits de famille et d'amis, et d'autres portraits de Marie Leroy, à divers âges, à 5 ans, à 8 ans, au jour de sa première communion. Une pendule en albâtre était arrêtée, sans doute à l'heure qui avait été celle de l'agonie et de la mort. Des vases restaient fleuris de fleurs artificielles. Une vierge en plâtre, les mains ouvertes, faisait pendant à un Saint-Joseph tenant un lys. Un petit bureau était surmonté d'une vitrine renfermant des statuettes, des tasses, des bibelots, des riens, un bracelet doré, des bagues en argent. Auprès, une armoire à glace. Une existence charmante, puérile et menue s'était écoulée là, puis brusquement avait été anéantie, comme si la foudre tombait sur la fillette vivante, laissant le reste intact. Le soldat vit alors que les pauvres gens avaient préparé le lit. La couverture était rabattue. Les draps frais conviaient au sommeil. Mais il recula devant cette couche où la jeunesse et l'espoir avaient rêvé, où la morte avait commencé son dernier et éternel sommeil, et s'assit dans un fauteuil, au coin de l'âtre presque éteint. Ses regards et sa pensée errèrent encore dans cette chambre minuscule qu'emplissait désormais l'atmosphère de l'au-delà. La pluie fouettait les carreaux, le vent hurlait dans la cheminée. Les yeux du soldat fixèrent la glace. La jeune fille avait dû souvent y contempler son visage. Elle se réjouissait de s'y trouver gentille. Puis, inquiète, elle la consultait et peu à peu, jour par jour, elle lui annonçait sa fin. Quelle dernière expression de douleur ou d'espoir, cette surface inflexible cachait-elle sous son apparence brillante et froide? Puisqu'ils réfléchissent des sourires et des tristesses, pourquoi les miroirs ne gardent-ils pas ces moments passagers qui leur ont été confiés? Le jeune homme eut voulu pénétrer cette vie disparue. Le sommeil vint alors lui apporter son apaisement. Ses yeux venaient de se fermer lorsqu'il entendit comme un léger souffle auprès de lui. Son cœur battit si fort qu'il faillit s'évanouir. Une ombre diaphane surgit dans la glace. Elle se tenait derrière lui, mais ne sembla pas le voir. Lui la vit aller et venir d'un air préoccupé, regardant toute chose. Une flamme attardée jaillit des tisons, et à cette lueur, le visage de l'ombre s'illumina, pareil à celui du portrait, les yeux bridés, souriant à demi, avec un pli d'inquiétude au front. Elle s'approcha du petit bureau, en retira des lettres qu'elle compta, regarda avec mélancolie avant de les remettre à leur place. Puis elle ouvrit l'armoire, chercha sous le linge, retira un papier et un portrait, les baisa tous deux, les remit dans leur cachette. Elle referma la porte de l'armoire, se mira dans la glace, et le jeune homme l'aperçut dans l'autre glace qui reculait comme effrayé. Sa coiffure blonde se défit, et une longue chevelure subitement blanche couvrit ses épaules et son dos. Alors, tout à fait pareil à un spectre, les yeux creusés en trous noirs, la bouche entr'ouverte sur ses dents serrées, elle vint lentement vers le lit, s'y étendit, résignée, les mains croisées sur sa poitrine de vierge, et elle resta immobile. Une violente rafale acheva d'éteindre le feu et poussa brusquement la fenêtre. Un appel de clairon sonna, haut et bref, dans la rue du village. L'air du réveil chanta allègrement dans la bourrasque. Le soldat sursauta, se coiffa de son képi, ceignit son ceinturon, prit son fusil. Il donna un dernier regard à la chambre blanche, à la glace, au portrait. Tout était calme, reposé, immuable. Il emporta un dernier sourire qui venait du fond de l'éternité. Et sans rien dire, sans faire de bruit, il descendit, trouva la porte fermée seulement au loquet, sortit et vint rejoindre ses camarades qui s'alignaient pour l'appel.